Le mouchoir brodé, récit viennois, par Berthe Vadier. C'était un dimanche de juin. Le soleil matinal inondait ma chambre d'une joyeuse clarté. Une brise parfumée de rose et de jasmin venait caresser mon visage. Les oiseaux chantaient à tue-tête. Mon élève, Gustave, jouait dans la chambre voisine une joyeuse fanfare. Et mon regard errant sur cette ravissante contrée de Baden ne rencontrait que lignes et couleurs harmonieuses. Les fleurs de notre jardin, la verdure des bosquets, plus loin les courbes adoucies des collines, et enfin les ruines de Hauenstein, au-dessus desquelles flottaient de beaux nuages que poussait le vent du sud. J'avais appris dans mes leçons de physique que, d'après les lois de l'évaporation, les nuages prennent la forme des vallées et des hauteurs au-dessus desquelles ils se forment. Il me sembla reconnaître dans ces blanches vapeurs, brodant le ciel bleu, les figures des montagnes qui entourent le Léman. Et sans vouloir penser que le vent les aurait déformés en route, je me plus à croire qu'elle venait si loin m'apporter les saluts de ma patrie. À mon tour, je vole de nouveau au bord de ce lac aimé, à la pointe des Pâquis où s'élève la maison de mon parrain, avec ses murs gris drapés non d'une verdure inutile, mais d'une bonne vigne indigène qui abrite en automne sous ses larges feuilles des grappes d'ambre et de pourpre. Je revois ses fenêtres irrégulières, ouverte sur la campagne comme des yeux bienveillants, et son grand toit qui s'avance d'un air d'amicale protection. Je parcours le jardin si simple et si pittoresque, fouille d'herbes, de fleurs, d'arbres et de buissons, le tout venu comme il a plu à la nature. J'écoute le concert joyeux que donna ce beau soleil, la myriade emplumée qui peuple nos bosquets. Puis j'entre dans la maison. Notre bonne vieille Goton file dans la cuisine au coin de la vaste cheminée. Les grandes flammes éclairent sa figure pleine et colorée et mettent des étincelles dans ses yeux bruns. Elle sourit. Je suis sûr qu'elle pense à moi. Mon parrain est dans son cabinet de travail, assis à son bureau. Sa figure régulière et douce n'est-elle pas un peu pâlie? Ne vois-je pas quelques ondes argentées courir dans sa chevelure? Excellent ami, il est à l'âge où les mois comptent et même les jours. Mais le temps n'a rien enlevé à la sérénité de son front. J'avais oublié et Vienne et Baden et mon élève. Je revivais mon heureuse vie d'autrefois, auprès de l'homme généreux qui m'avait servi de père, à moi, pauvre enfant doublement orphelin, et de l'excellente vieille bonne qui eut pour moi l'affection gâteuse d'une grand-mère. Je revis mes longs jours de flânerie, alors qu'assis au pied d'un saule, dont la verte chevelure agitée par le vent venait caresser mes cheveux blonds, je regardais les familles de cygnes cinglés comme de blanches flottes vers la pointe des Pâquis, et j'écoutais la voix mystérieuse des flots qui mouraient sur les cailloux de la rive en les couvrant d'une écume argentée. Je me retrouvais tout petit garçon, jouant après le souper dans un coin de la salle à manger, tandis que mon parrain, M. Balville, après une journée remplie par des leçons fatigantes, consacrait enfin quelques heures à la lecture. Je jouais bien tranquillement pour ne pas l'interrompre, trop récompensé quand, de temps à autre, cessant de lire, il me souriait de ce double sourire des lèvres et des yeux qui donne un si grand charme à sa physionomie. Et quel bonheur, quand, fermant son livre, mon bon parrain prenait sur ses genoux et me faisait quelques beaux récits fantastiques. Mais hélas, au 9e coup de l'horloge, l'homme au sable passait régulièrement, et malgré mes efforts pour tenir mon attention éveillée, je m'endormais sur l'épaule de mon parrain. Goton me portait dans mon lit, et les histoires que je venais d'entendre prenant corps dans les ombres du sommeil, je traversais des forêts enchantées où j'avais les plus merveilleuses aventures. Mais quelle déception quand, le matin venu, ma bonne me réveillait, ce qui arrivait presque toujours au beau milieu de mon plus beau rêve. Lorsqu'on plane dans les nues sur un cheval enchanté, quoi de plus désagréable que de retomber sur son matelas en entendant ces mots « Vite, Édouard, il est 8 heures ». Je répondais par un grognement. Et me retournant du côté du mur, j'essayais de remonter sur mon cheval. Mais Goton revenait à la charge. Il fallait se lever quoi qu'on en eût. Bonne Goton, quel cœur d'or, si dévouée, si bonne, comme elle me gâtait. Il n'aurait pas fallu que mon parrain me réprimandât devant elle, si justement et doucement que ce fût. Mais elle ne se faisait pas faute de me gronder pour son propre compte, et même de joindre de bonne tape à ses admonitions. Les orages pourtant duraient peu, et la tendresse toujours. Heureuse enfance et, plus tard, heureuse jeunesse. Lorsque devenu l'ami de mon parrain, je pus m'intéresser à ses travaux et en prendre ma petite part. Combien trop vite vous avez passé? combien sonnait trop tôt l'heure de la séparation. J'avais 20 ans, mes études avaient été achevées sans sortir de Genève, je ne rêvais d'autre horizon que nos Alpes, quand un jour M. Balville m'appela dans son cabinet. « Édouard, me dit-il, te voilà un homme. Tu as droit au libre exercice de ta volonté, mais pour que le passage de l'obéissance à cette liberté se fasse sans secousse, il faut que nous soyons séparés pour quelque temps. Quoi ? M'écriai-je. Vous voulez que je vous quitte ? Ne m'interromps pas. D'habitude que nous avons, moi de commander, toi d'obéir, est si grande que l'éloignement seul peut te libérer tout à fait. Mais je ne veux pas être libre. Il est si doux d'être dirigé. Vous savez bien que je n'aime pas à vouloir. Précisément, et je veux que cela change. La volonté a, comme toute faculté, besoin d'être exercée pour devenir forte, raisonnable et saine. Tu dois avoir tes idées à toi, ton jugement à toi. Je ne suis pas de ces vieillards qui se croient sages parce qu'ils sont vieux et qui s'efforcent de façonner la jeune génération sur leur modèle. Hélas, de quoi se compose notre expérience si vantée ? De regrets et de découragement. Les regrets sont inutiles, le découragement fâcheux, puisque, suivant la sainte loi du progrès, l'homme doit marcher en avant. Non, les cheveux blancs n'ont pas le monopole de la sagesse. Elle est aussi dans les jeunes cœurs, et là, elle s'appelle l'amour, l'enthousiasme, l'espérance. Et n'en est pas moins la divine sagesse. Oui, Édouard, la jeunesse est une saison généreuse et chaude. Il faut en profiter pour ensemencer l'avenir. Il faut élargir ses idées, étendre ses connaissances. Et pour cela, il est nécessaire de s'expatrier quelque temps. Je protestais que je ne pourrais sans mourir quitter mon parrain et mon pays. « On ne meurt pas d'un changement d'air, » répondit M. Balville. « Les poumons se dilatent, voilà tout. Puis on s'en débarrasse en voyage, parce que c'est un bagage incommode, des préjugés de terroir et de l'esprit de clocher qui n'est point le patriotisme, tant s'en faut. » Il se tut un moment, puis il reprit. « Nous ne sommes pas assez riches pour que tu puisses voyager à tes frais. » Il s'offre une occasion de connaître Vienne. Un très riche banquier de ma connaissance vient de me demander un gouverneur pour son fils, jeune homme de 15 ans. J'ai pensé à toi pour remplir cette place. Tu n'as pas encore l'habitude de l'enseignement, mais elle se prend vite. Aime ton élève, c'est le premier point pour réussir. L'amour est la clé d'or qui ouvre non seulement le cœur, mais l'intelligence. Sache t'en servir et tout ira bien. J'eus beau protester, mon parrain fut inflexible. Une semaine après, je partais. Et voilà comment je me trouvais à Baden. J'étais heureux, aimé de mon élève, estimé de ses parents. J'y passais ma vie au sein du confort et de l'élégance, et pourtant je ne me sentais jamais plus aise que lorsque, libre de devoir, je pouvais m'envoler sur les ailes de la pensée et revoir mes bien-aimées Pâquises.